Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. La région s'est démarquée hier aux Jeux du Québec. Ils ont remporté 8 médailles hier à Montréal. C'est certainement il y a certainement des médailles qu'on s'attendait pas qui ont été remportées hier. Adèle Normand a signé une médaille d'or contre la montre en catégorie minime, en plus d'une bronze au sprint d'ouverture. William Maltin-Pilote, celui qui a porté le drapeau pour le Saint-Lex Saint-Jean à la cérémonie d'ouverture, a remporté la médaille d'or contre la montre dans la catégorie cadet. Florence Normand, qui est la sœur de l'autre, a signé une médaille d'argent au sprint. Florence a également terminé au pied du podium, soit la quatrième position contre la montre dans la catégorie sprint. Au sprint dans la catégorie minime, notons la deuxième position de Marc-Antoine Tremblay. Chez les filles, dans la catégorie minime, troisième place pour Noémie Fortin, et elle a terminé au cinquième rang contre la montre. En natation, notons la deuxième et troisième place pour Léane Julien et Catherine Laberge. Donc, pour en savoir davantage, vous pouvez écouter hier le reportage quotidien d'Alexandre Lallemand, qui est à Montréal hier pour les Jeux du Québec. Malheureusement, le reportage a été enregistré avant qu'on sache tous les résultats, donc il ne sera certainement pas question. Mais en fin d'après-midi, on va mettre en ligne un deuxième reportage et on va certainement parler de ces conquêtes de 8 médailles hier pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au golf, Pierre-Alexandre Bédard était à Toronto hier. Le golfeur de Chibougamau a fini avec une ronde de 73 en qualification pour la RBC Canadien Open. Lors d'un échange de courriel, il m'a mentionné qu'il y avait plusieurs golfeurs qui avaient déjà évolué sur la PGA. On est revenu sur le marathon du lac à Jim avec la responsable Gabrielle Trottier. Hier, en fin d'après-midi, dans la section entrevue de danaldesport.com. Et comme à l'instar de Robert Val, ben Gabriel m'a mentionné que les nageurs aiment bien nager à Saint-Thomas. L'hospitalité, évidemment, est en ligne de cause. Les gens là, sont charmés quand ils arrivent au Lac-Adjim, d'autant plus que c'est un site qui est quand même exceptionnel là, pour la présentation. Si on est habitué, je donne l'exemple de Robert Val, les gens, les familles, les amis qui viennent voir les courses, ben, c'est du béton, c'est des estrades. Mmh. Au Lac-Adjim, ben c'est un, il y a la plage, il y a le centre de villégiature qui est à côté, il y a la pelouse. Donc les gens là peuvent vraiment là passer du temps en famille. Les jeunes se baignent en même temps que les courses ont lieu. Là. Donc je pense que ça c'est un avantage pour nous. Gabriel Tati a mentionné qu'il ressent toujours une épreuve de 32 km comme à Robert Val. Cependant, le 15 km est une compétition qui est en pleine expansion. Elle a parlé de Xavier Desharnais, celui qui a remporté la traversée internationale du Lac-Saint-Jean 2014-2015. Ben, c'est une belle préparation pour lui en vue de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Oui, c'est en plein ça. Là. C'était sa deuxième participation au marathon du Lac-Adjim. Il était venu en 2014. L'an dernier, là, avec le calendrier des compétitions, ça n'avait pas été possible pour lui de venir. Mais cette année, là, il était très heureux d'être parmi nous. Puis d'ailleurs, là, il est allé confirmer là, son titre de grand gagnant. Là. Il a raflé la première position avec un temps record. Là. Donc, une belle journée là, de préparation, de compétition pour lui. Là. Puis en effet, là, c'est une excellente préparation là, pour le 32 km qui aura lieu dans deux semaines. Puis d'ailleurs, sur les 9 nageurs... Et le marathon du Lac-Adjim n'a pas les infrastructures ni les bénévoles pour devenir ce qu'est la traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Cependant, il n'est pas impossible qu'il continue à grossir, explique Gabriel Trottier. Et je termine avec un résultat de soccer qui nous intéressait. Dolboum s'est signé défait hier le FC de Saint-Félicien 5-2 dans un match de la catégorie 12. Le match passait au Parc Lyon dans le secteur de Dolboum. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Serge Cloutier nous revient sur la grande finale du British Open, finale exceptionnelle qui a eu lieu dimanche. Gabriel Trottier vient nous parler du marathon du Lac-Adjim de Saint-Thomas qui a eu lieu en fin de semaine. Et également, comme à tous les jours, on va le faire. Je me suis entretenu aussi avec Alexandre Lallemand en direct de Montréal où le Saguenay-Lac-Saint-Jean a bien performé hier aux Jeux du Québec. Le sport local régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.